Voici Guillaume Auguste. Ça va les amigos? Oui. Yes. Alors comme vous le savez, on le disait justement, l'actu en ce moment, ça donne un peu envie de crever dans le zip d'un caoué avec Evelyne Devia qui dit « Va pleuvoir toute ta vie fils de pute !» Alors Evelyne, qu'est-ce qui vous arrive? Rangez-moi ce pieu hein. Y a pas d'Evelyne, Ernesto del Fuego, del Carpaccio, del Pulpo. La vie, c'est une tartine de gras dans un restaurant du Luxembourg, mon pote, c'est ça la vie. Ah, le communisme, Evelyne, vous n'êtes plus la même personne. Eh bien, du coup, tant bien que mal, j'ai écumé les informations populaires à la recherche d'une bonne nouvelle les amis. Et oui, et je crois que j'ai trouvé, bande d'ovules. Eh bien, si je vous dis 1,6 milliard, vous me dites oui, le budget Poppers de Leïla pendant les Francofolies de La Rochelle. Et c'est bien que vous soyez attentifs, croyez bien que ça me touche. Mais non, 1,6 milliard, c'est le nombre d'écoutes en streaming de Bohemian Rhapsody en fait. Ouais. Qui est désormais officiellement la chanson du 20e siècle la plus écoutée au monde, juste derrière la Zubida. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia. Mamma mia, let me go. C'est la plus écoutée. Beelzebub. Oui. Mais faites toute la chanson, elle est longue. Elle est longue, elle fait 7 minutes. Ouais. D'un seul coup, c'est la moins écoutée. Mais oui, juste avant, c'était, elle a détrôné donc la Zubida de la gaffe, qui n'est pas vraiment une chanson, ceci dit, qui est plus une ode à l'Afrique du Nord. Quand ils faisaient Zubida, enfin tu vois, il y avait un côté, on les taquine, mais on les aime quand même bien, les Arabes. Et bon, Bohemian Rhapsody, ça n'a pas la même ambition, mais je trouve que c'est quand même réjouissant de savoir qu'une chanson aussi exigeante et singulière soit l'un des hymnes de Sapiens Sapiens, finalement, non? Quelque part, c'est réjouissant, bah. Ah, ça va se demander pourquoi Nagui n'a jamais invité Queen dans Taratata. Ah, évidemment, bah oui, quand c'est pour Brian faire Benabar. Brian May est venu, oui, monsieur. Quand c'est pour faire Benabar featuring Marc Villalonga, alors ça, oui, il y a du monde, évidemment. Allez, vous allez voir, ils ont revisité Imagine avec un accordéon et une soupière, ça des potes, hein. Hey, faites du bruit, ça, oui, ça, on sait le faire. Mais quand c'est. Mais Queen, c'est la bande originale de mon enfance, vous savez que je les ai vus en concert, moi, Queen, vraiment. Ouais, à Bruxelles avec mon père quand j'avais 4 ans, et c'était. Je me rappelle de rien. Franchement, vraiment, mes premiers souvenirs datent de 2007. Moi, j'ai plus ou moins la même mémoire que Renaud, je pense. Vraiment, c'est. Ouais. Vu ce que je picole, mes neurones, ils me font mec, soit on se souvient, soit on produit. Mais on peut pas faire les deux en même temps. Tu vois, vraiment, mange des carottes, on en reparle. Mais c'est vrai que Freddie Mercury, c'était mon idole quand j'étais petit. Il est mort le lendemain de mes 10 ans. J'étais dévasté, quoi. Je voulais tout faire comme Freddie, moi. Bon, comme j'ai pas une très très belle voix, alors j'ai essayé d'avoir le sida. Mais c'était compliqué à 10 ans. C'était quand je disais aux filles, viens, on fait l'amour sans préservatif. Elle me disait, mais laisse-nous faire notre puberté. Enfin, tu vois, il y a un truc. Quelle horreur. J'ai tout fait pour avoir le das. Vraiment, j'ai marché sur des seringues, je me baladais avec une pancarte free transfusion, etc. Enfin, tu vois, j'ai essayé de rencontrer Clémentine Salarié, tu vois, je mélangeais tout, j'étais petit, je comprenais rien. Enfin, qui est bête. C'est pas possible. Mais si je monte sur scène aujourd'hui, c'est aussi grâce à Freddy. Quel charisme, quoi. Ouais. Quelle présence. Toute ma vie, je regretterais qu'il soit mort avant mon mariage, quoi. Vraiment, Freddy, c'est typiquement le genre de mec qui aurait pu animer la soirée, quoi. Vraiment, tu lui donnes un baffle, un micro, tu lui dis, vas-y, prends ce que tu veux dans le buffet, Freddy, tu vois, touche pas au saumon, mais il te met un feu. C'est vrai, comme Freddy, moi j'ai pris un pseudo, par exemple. Moi, mon vrai nom, c'est pas Guillermo Guise, c'est Thierry Olgado. Et je fais un bisou à Tiki, mon frère, tu vois, t'es là, je pense à toi. Et puis, c'était un perfectionniste, Freddy. Rien que les Galiléo, quand vous Galiléo Magnifico. Ils ont mis 3 semaines à les peaufiner. 3 semaines dans une ferme, vraiment, bah, les chefs-d'œuvre, c'est du boulot. Regarde cette chronique, par exemple. Ils l'ont jamais chanté en live, Bohemian Rhapsody. Mais pour ça, justement, ouais. C'est compliqué. Ils faisaient un playback, etc. C'est chouette, en tout cas, cette chronique, c'est bien parce qu'on n'est pas interrompu. Ouais, ouais. C'est interactif. C'est pas compliqué avec Jean-Michel. Donc, je disais, mais oui, forcément, les chefs-d'œuvre. Vous avez été bien. Ouais. Je vous disais, les chefs-d'œuvre, c'est du boulot. Quoi. Regardez cette chronique, par exemple, je l'ai écrite hier entre 17 et 19h30. À un moment, il n'y a pas de secret. Tu vois, c'est clair, si j'étais resté 3 semaines dans une ferme avec Daniel. Enfin, avec Daniel Morin, j'allais dire. C'est un mauvais exemple. On reste pas 3 semaines dans une ferme avec Daniel. À un moment, il y a du respect pour les animaux. Tu vois, il y a un truc, mais c'est vrai que j'aurais pu peaufiner. Quoi. Au lieu de ça, je suis allé voir Bohemian Rhapsody au cinéma et j'ai chialé tout le film. Ah, ouais, tellement ça puait mon enfance. Parce que j'avais de l'espoir quand j'étais un môme. Regarde où j'en suis aujourd'hui. Elle avait raison, Evelyne Delia. Merci d'avoir écouté. Merci.